Nous allons donc parler du Caméléon, ce fanzine avec vous, Michel Madrange, bonjour. Bonjour. Vous êtes du bureau du Caméléon, en fait vous êtes secrétaire à l'association et vous faites également partie d'un label de promotion des musiques, en fait, d'un studio. Partie, je m'occupe d'un label. Oui, très bien. Et vous êtes le responsable aussi de ce label ? Très bien. Alors, vous produisez des musiques, dites-nous comment est né le Caméléon et en fait à quoi ça ressemble, hein, ce fanzine ? Ben, le Caméléon...